C'est Lionel sur Énergie, soyez les bienvenus. Les Énergie Music Awards 2013. C'est la folie, si les plus grandes stars sont à Cannes aujourd'hui pour la plus grande cérémonie musicale de l'année, c'est les Energy Music Awards 2013 sur le yacht Energy Abyss Yachting, avec un public devant le bateau en délire, avec vous tous dans toute la France, parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Il y a Laurence qui nous écoute à Clermont-Ferrand, qui est dans une boutique du centre Jode, qui en a lu, parce que ouais, toute l'après-midi on va la passer avec vos artistes préférés, donc ça fait plaisir. Il y a Alicia Keys qui va venir sur le yacht, il y a Section d'Assaut tout à l'heure, il y aura Kinvé, et là j'accueille la Benjamine de la cérémonie, c'est Birdie, elle est avec nous, elle a pas encore 17 ans, gros succès en 2012 avec Skinny Love, avec People Help de People. Et oui, il y a tous les fans qui sont devant le bateau, qui sont aussi en alu de la voir. Elle est avec nous. Elle est nommée dans la catégorie Révélation internationale de l'année. Thank you to be here, Birdie. Thank you for having me. I speak a little English. You speak a little French? Not very well. Ok. Ça fait quoi d'être la plus jeune artiste nommée aux Energy Music Awards? What does it feel like to be the youngest artist nominated tonight? I'm so excited to be here. I can't believe it. It's so fun for me to come all this way, and I've never been to Cannes before either. So. Première fois à Cannes, donc voilà. Et puis elle est ravie et super contente d'être là ce soir. Alors Birdie, je te présente Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ludivine, ça fait combien de temps que t'attends devant le yacht Energy, Ludivine? Depuis ce matin. Mais t'es venue à quelle heure? 6h du matin. Oh, she's been here since 6 a.m. Oh. Elle est devant le bateau, Ludivine. T'as quel âge, Ludivine? 12 ans. T'as 12 ans. T'avais une 12. Question à poser à Birdie, on t'écoute. Est-ce que t'es stressée avant la cérémonie ce soir? She wants to know if you're stressed out before tonight's ceremony. I'm very nervous, yes. Très stressée. Mais comment tu te prépares? Déjà, est-ce qu'il y a tes parents avec toi? Parce que c'est ça qu'on se dit, elle a 16 ans. Donc, yeah, do you have your family with you? I don't. Well, my mom is here. She'll be coming later. But, sa, yeah. Sa maman sera là ce soir. D'accord. Alors, Ludivine, Birdie avait un cadeau à te faire sur le yacht Energy. Yes, I think you have a gift for Ludivine. It's for you. A ticket for tonight. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour toi. Qu'est-ce que c'est, Ludivine? C'est une place pour les Energy Music Awards 2013. Ludivine, tu seras à la cérémonie ce soir à Cannes. Applaudissements. T'as eu raison. Toi, t'as eu raison de te lever ce matin, yeah, à 6h du mat pour être devant le bateau. She was right to get up so early. On est d'accord. Félicitations, Ludivine. Thank you. Merci. Elle a bossé l'anglais, ça fait plaisir. Il y a Christelle qui est à Albi, qui a entendu parler d'un duo que tu ferais ce soir, Birdie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui va se passer sur la scène des Energy Music Awards avec toi? One of our listeners heard about a duet happening tonight. Is that true? Can you tell us about it? It is true. I'm going to be singing with Emmanuel Moir tonight. Ah, donc il y a effectivement un duo avec Emmanuel Moir ce soir. D'accord, donc ça promet pas mal de surprises. On a entendu tout à l'heure qu'avec 1789, il y allait avoir des surprises. Il y allait avoir des duos un petit peu originaux. Avec Birdie, il y a des duos un petit peu originaux. Tonight. Ça démarre à partir de 20h50 ce soir sur Energy TF1, la plus grande cérémonie de l'année, les Energy Music Awards 2013. Thank you very much, Birdie. Thank you for having me. Ne stresse pas trop pour ce soir, tout va bien, yeah, se passer. Don't worry for tonight, it'll be fine. Tu n'as que des amis devant le bateau, tu n'as que des amis. All your friends and fans are here. Ne t'inquiète pas, le monde entier t'adore et la France t'adore. And we all love you. Et on t'adore ici sur Energy. Merci beaucoup, thank you. Merci. Thank you. Restez avec nous sur Energy dans un instant. Emily Sandé, Alicia Keys, Section d'Assaut. Et là, on va s'écouter Leslie avec Evie Rice pour la suite. C'est la reprise de Jean-Jacques Goldman sur Energy. Je te donne.